l'essentiel. Bonjour à tous, musique danse avec Nicolas sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 en couleur. Bonne écoute. Voici donc l'heure, il est tout petit et bien 13h30 passées. Voici donc l'heure de se retrouver comme tous les mardis après-midi avec Music Dance jusqu'à donc bien 17h comme tous les mardis. Voilà, nous sommes déjà tout simplement et bien le deuxième jour du mois de mai. Et oui, déjà au mois de mai, voilà donc et bien ça passe aussi très vite les jours, les mois. Et oui, voilà donc et bien nous sommes déjà. Sans plus tarder, et bien je vous laisse avec tout simplement les chansons. Et voici Alain Bashoum avec Gabi, oh Gabi. Et puis juste après Otawan. Avec T'es OK, et bien sûr, vous êtes tous OK avec la chanson. Arc-en-Ciel, c'est le plaisir de la musique. Arc-en-Ciel, c'est le bonheur, tout en couleurs. Et je fais mes pompes sur les restes d'un vieux cargo. Avec qui je jouais du piano debout. Voici donc, eh bien, tout simplement, je clai avec Femme que j'aime. Très bonne journée à tous et à toutes. Merci de rester fidèles à Radio Arc-en-Ciel. C'est le plaisir de la musique. Arc-en-ciel, c'est le bonheur, tout en couleur. caché son bel avenir, la copie du calife. Dieu que cette fille a l'air triste, amoureuse d'un égoïste, la copie du calife. Passe sa vie à l'attendre pour un mot, pour un geste tendre. La copie du canif. Devant l'hôtel, dans les coulisses, elle rêve de la vie d'artiste. La copie du canif. rien dit, elle ne m'a rien laissé. Non, rien laissé. Je vais prendre une musette, danser et faire la fête. Champagne pour tout le monde et c'est moi qui paie. Et puisqu'elle est partie champagne, je vais reprendre ma vie de célibataire. Célibataire. Et tant mieux champagne, elle n'était pas d'une beauté extraordinaire. Tous les hommes sont trompés. Comme disait mon père, il te perd. Avec son titre, s'appelle tout simplement s'appeler Champagne. Voici Dis-lui avec Michel Thor. Et puis juste après Michel Thor, on écoutera du Madison avec les Bluters. M'étonner, c'est vrai, c'est me faire sourire, me consoler. Jamais je n'aurais pu penser qu'il s'en irait. C'est l'aventure, la musique et les filles. Tant pis, je le prends comme il est. Rien n'est jamais fini. Et s'il revenait, je lui dirais oui. Ça me ferait du bien de le revoir, de me retrouver seul avec lui. Ça me ferait du bien de le revoir, de retrouver. Ça me ferait du bien de le revoir, de me retrouver. jingle. Ooh, the papa, we gonna take it down. I'm gonna get it, gonna papa, boom, boom, boom. Talking about my money, guys, I said I get a boom. I got mama, I got boom, boom. Yeah, yeah. Yes, you know what? I'm just a little shit of popping. Just when the man gonna get it, papa, boom, papa, boom, papa, boom. Baba, digga, digga, digga, pound! Danse avec Nicolas sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 en couleur. Bonne écoute. Voici donc Vanessa Paradis avec Le Tandem et puis juste après du Fox. Mon visage, on m'envie.

Arc-en-ciel. Et puis juste après, Irène Cara avec Flashback. We'll be right back.

puis donc, et aussi le jeudi matin, entre 9h jusqu'à midi, eh bien, vous allez retrouver tout simplement Vince de Portugal avec un gros Dimo. Donc, eh bien, je vous laisse avec Joséphine, avec Chris Rire. Bonjour à tous, musique danse avec Nicolas sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 en couleur. Bonne écoute! Avec Baltimore. puis juste après, Modern Talking, Your Heart, Your Soul.

dance. For inspiration. Come on. Voici donc que je vous laisse avec tout simplement Jordi avec Allison et puis juste après c'est Captain Hollywood. Thank you. Et puis juste après lui, on écoutera le Zouk avec Zouk Machine. Et après, ce sera tout simplement Charles D. Lewis, Soukadens. Oh, Arc-en-ciel. Dance, so God dance. put you on your feet. Whether you're young, whether you're old or gray, gather around you, shine it night and day. All along the beach, you party in the moonlight. The soca sounds to make the feeling of the tune right. Dance, soca dance, soca dance. Jump, I don't give a damn, baby, just shake your butt. The rhythm is hot, moving fine. Come on, party people, shake your body line. Tout simplement les Pink Floyd et puis juste après Jonas, toute première fois. We don't need no thought control.

Après Daniel Balawan avec le titre tout simplement Vivre pour le meilleur. Et vivre tout simplement ou survivre. Voici donc eh bien Cyndi Lauper. Le titre Rockick, mais c'est interprété par Rami Hancock. Et puis juste après, Voyage, Voyage. Yeah.

António Costa continua em silêncio depois do encontro com João Galamba. O primeiro-ministro pode, nas próximas horas, comunicar a decisão que tomou relativamente ao caso que envolve o ministro das Infraestruturas. Os partidos não desistem e pedem explicações. A ministra da Agricultura admite que está preocupada com a seca que o país enfrenta, mas Maria do Céu Antunes garante que o governo está a tomar medidas. Previsão para amanhã de chuva nas regiões norte e centro, com possibilidade de trovoada. Pode também contar com descida da temperatura máxima, sendo essa descida mais acentuada no litoral. Madeira com chuva também na previsão, mas mais provável até meio da manhã. Para os Açores, misto de sol e nuvens, né, com alguma chuva também na previsão. Nesta altura, em Ponta Delgada estão 17 graus, 26 no Porto e em Lisboa e também no Funchal e 27 em Faro. As notícias às 4, a edição é de